صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد. يقول سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. Certes, en vérité tu mourras et eux aussi ils mourront. Allah عز وجل s'adresse au prophète عليه الصلاة والسلام. Il rappelle que qui? Le prophète عليه الصلاة والسلام mourra et que eux aussi, l'ensemble des gens devra mourir. Le prophète عليه الصلاة والسلام est décédé. Alors que devant lui il y avait une sorte de récipient contenant de l'eau. Il se mit à introduire sa main dans l'eau. Et à ce moment-là, après avoir utilisé le siwak et être auprès de Aïcha radiallahu anha wa ardaha, il mettait sa main dans le récipient et il mettait l'eau sur sa tête et il disait la ilaha illallah inna lil maut la sakarat allahumma hawwin alayya sakarat al maut la ilaha illallah. Certes, la mort a son agonie. Ya Allah diminue pour moi l'agonie de la mort. Il leva sa main ou son doigt et du même coup son regard était tourné vers le plafond. Et là le prophète alayhi salatu wassalam il disait quoi? La compagnie suprême alayhi salatu wassalam, Seigneur pardonne-moi, sois clément avec moi, fais-moi rejoindre l'éternel, Seigneur l'éternel. Et il répéta cela à trois fois comme l'a dit Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et là à ce moment-là sa main est tombée. Wa mat al habib an nabi alayhi afdalus salati wa sakat taslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد إن شاء الله تعالى on va continuer et on arrive dans la dernière étape de la sira dans la biographie du prophète محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام était à Médine lors du dernier cours. On s'est arrêté avec cette étape-là. Le prophète عليه الصلاة والسلام était à Médine, était à Mecca plutôt, à Afwan, ici pour faire ici ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu et le sermon d'adieu aussi. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام, après avoir fait des insinuations aux compagnons qu'il était proche de la mort, le prophète عليه الصلاة والسلام est revenu à Médine pour terminer ses jours à Médine, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Qu'est-ce qui s'est passé quand le prophète alayhi salatu wa salam est revenu à Médine? Et là, on va voyager entre l'année 10 et l'année 11 de l'Hégire, incha'Allahu ta'ala, alors que le prophète alayhi salatu wa salam avait 63 ans. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam avait 63 ans. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est décédé alors qu'il avait, comme on dit les savants, 63 ans et à peu près 4 mois. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam est mort? Et qui est le prophète alayhi salatu wassalam? Bien sûr, on ne va pas revenir sur sa biographie depuis le début, mais qui est le prophète alayhi salatu wassalam de façon générale? Et est-ce qu'on connaît vraiment, et est-ce qu'on aime vraiment le prophète alayhi salatu wassalam? C'est le but principal de cette soirée, bi-idhnillahi azza wa jal, ou du cours donné lors de cette soirée, wa billahi tawfiq. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, innaka mayyit. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, certes en vérité tu mourras et eux aussi ils mourront. Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam et il rappelle que qui? Le prophète alayhi salatu wassalam mourra et que eux aussi, l'ensemble des gens devra mourir. Et car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim aussi, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبَلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons certes par le mal et le bien à titre de tentation. Certes, le mal que tu vis, mais aussi le bien que tu vis est une épreuve. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَنَبَلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ. Et certes, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Et car Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran al-Karim, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à éphémérité, et seul le visage de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala restera. Et car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, كل شيء هالك إلا وجهه. Ici il rappelle que tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à disparaître, si ce n'est la face de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jalla nous a rappelé tout cela, ayyuhal ahbab, que l'insan, l'être humain, ainsi que le djinn, ainsi que tout ce qui est sur la surface de la terre est voué et fait mériter, le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Et qui est le prophète alayhi salatu wassalam, ayu al-ahbab, de façon générale? Et c'est pas au dernier cours qu'on va revenir, yani au premier cours jusqu'au dernier cours. Non. Ici, quand je dis qui est le prophète alayhi salatu wassalam, lors de ce dernier cours, c'est de façon générale. Est-ce que vraiment on connaît le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que vraiment cette sira, cette biographie a eu de l'impact sur notre comportement et sur notre amour qu'on a envers le prophète alayhi salatu wassalam? فهو الذي قال كما جاء في صحيح البخاري فهو الذي نفسي بيديه لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده كما جاء في الصحيح. C'est celui qui a dit, écoutez bien et concentrez-vous ici et voyagez avec moi lors de ce cours bi'idnillah azza wa jal, bien sûr avec vos cœurs. Ici le prophète alayhi salatu wassalam a dit quoi? Il dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari, il dit par celui, ou je jure par celui qui détient mon âme, je jure par celui qui détient mon âme, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père et son fils. Khalas, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Donc, est-ce que vraiment cette biographie qu'on a vécue par la permission d'Allah Azza wa Jal nous a permis à aimer ou nous aura servi vraiment à quelque chose? Est-ce que cette biographie nous aura permis à aimer le prophète alayhi salatu wassalam par la permission d'Allah Azza wa Jal plus, le prophète il a dit dans cette version de Bukhari, plus que nos parents et nos enfants? Plus que nos parents et nos enfants. Certains vont dire, j'ai du mal à répondre. Voilà qu'il est là maintenant, avec ce que je vais apporter, ça va être très clair pour toi. Si demain tu entends que ton père meurt, et si demain tu entends que ton fils meurt, ou que ta fille meurt, est-ce que ça va te faire autant mal que lorsque tu as ici entendu la vie du prophète alayhi salatu wassalam, ou lu la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et que tu es passé au moment de la mort du prophète alayhi salatu wassalam? Si c'est la réponse est, si la réponse est non, sache que tu n'aimes pas encore le prophète alayhi salatu wassalam comme il se doit. Tu n'aimes pas le prophète alayhi salatu wassalam comme vraiment il mériterait être adoré. Ou plutôt afouan, être aimé. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam il a dit, فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ walidihi wa waladi. Ici plus, là j'ai dit autant, plus le prophète il a dit normalement plus nul d'entre vous ne sera pas, ou vous ne serez véritablement pas croyant que lorsque vous m'aimerez plus, c'est pas autant, plus que vos parents et que vos enfants. C'est-à-dire que l'amour qu'on doit avoir envers le prophète doit dépasser l'amour qu'on a envers nos parents et envers nos enfants. Et ça c'est la preuve, ayu al-ahbab, qu'on est très loin de l'application de ce hadith, contrairement à ceux qui l'ont appliqué de jour comme de nuit, radiyallahu anhum wa ardahum min al-mu'minina rijal. As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Certes, les compagnons, ils ont aimé le prophète alayhi salatu wassalam plus que leurs enfants, leurs parents et l'ensemble des gens, et même plus que eux-mêmes. Donc, est-ce que nous, on a ressenti au moins, al-aql, on va dire, au moins ici, on a senti notre cœur vibrer ici quand on a entendu la mort du prophète alayhi salatu wassalam à travers une conférence, à travers un sermon du vendredi, à travers une lecture ici authentique de la fin du prophète alayhi salatu wassalam, des derniers jours du prophète alayhi salatu wassalam. Où sommes-nous par rapport à son amour alayhi afdalus salati wa azka taslim? Donc si tu ne ressens rien quand on parle de la mort du prophète, nous te disons avec tout le respect, et je dis ceci à moi-même aussi, reprends la biographie de notre noble messager alayhi afdalus salati wa azka taslim depuis sa naissance. Reprends-la depuis sa naissance. Et bien sûr ici, vous connaissez tous ici la parole qui est apportée et qu'on répète souvent, al jaza'u min jinsi al-amal. Ici la récompense dépend de quoi? Dépend de l'action qui a été fournie, l'origine de l'action. Donc ici, si tu veux avoir cette récompense qui est le fait de goûter à l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, il faut que ton action ici ait été accompagnée de beaucoup d'efforts, de beaucoup de réflexions, de beaucoup d'attention. Et là, tu vas récolter ce soir, bi'idnillahi azza wa jal, soit les fruits sucrés ou soit les fruits amers ici de tous les efforts que tu as donnés ici pour suivre et écouter la biographie du prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim. Qui est le prophète alayhi salatu wassalam de façon très bref? Ayyuha al-ikhwatu wal akhawat, C'est celui qui n'aime pas le prophète alayhi salatu wassalam plus que ses parents et ses enfants, alors que le prophète alayhi salatu wassalam ici a voulu le bien, pas pour sa propre famille, pas pour ses compagnons simplement, mais pour l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire pour toi, ta mère, ton père aussi. Cela prouve ici qu'il n'a pas un amour complet envers le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un manque de comportement envers le prophète alayhi salatu wassalam. C'est celui qui a été éprouvé comme personne n'a été éprouvé. C'est celui qui a été doté d'une modestie exemplaire, qui a été doté d'une pudeur exemplaire. C'est celui qui s'asseyait et qui mangeait, comme il dit alayhi salatu wassalam, comme l'esclave s'assoit et mange. C'est celui qui saluait les enfants. C'est celui qui respectait les plus âgés. C'est celui alayhi salatu wassalam qui a réagi de la sorte. C'est-à-dire, il a répondu au mal par le mal. Quand il s'est rendu à Taif pour leur apporter la bonne parole, pour être la cause de la guider des gens par la permission d'Allah Azza wa Jalla, alors qu'ils l'ont accueilli avec des pierres jusqu'à ce que le sang a coulé. Imagine-toi, ya Abdallah. Ici, on te fait du mal jusqu'à ce que tu vois du sang couler. Khlas, tu vois du sang qui coule. Comment va être ton comportement? Regardez l'épreuve. Et en plus de cela, ils ont envoyé à Taif, comme on avait vu ça dans les détails, des enfants pour humilier le prophète alayhi salatu wassalam, jeter des pierres, l'humilier, alors qu'il a fait des kilomètres et des kilomètres, pas sur sa monture mais à pied. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. À ce moment-là, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, Allah Azza wa Jalla l'a envoyé qui? L'ange des montagnes au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Muhammad, Allah Azza wa Jalla a bien entendu ce qu'a dit ton peuple, et je suis l'ange des montagnes, or mon Seigneur m'a envoyé à toi pour que tu m'ordonnes de faire ce que tu veux. Si tu veux que je les écrase entre les deux montagnes qui entourent la Mecque, je le ferai. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit, je souhaite plutôt qu'Allah Azza wa Jalla sorte de leurs reins une progéniture adorant Allah Azza wa Jalla seul sans rien lui associer. Alayhi salatu wassalam, qui était le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'on dise tu dois l'adorer comme lui l'a dit, plus que quoi? Plus que tes parents, tes enfants, dans une version, et l'ensemble des gens, et que vous-même aussi. Où sommes-nous de cet amour? Alors que, alayhi salatu wassalam, ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de fou. Comme il est relaté dans le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit, aftara ala Allahi kadiban, ambihi jinna. Regardez ce qu'il disait sur le prophète. Est-ce qu'il ment sur Allah Azza wa Jalla, ou bien est-il fou? Ils ont dit c'est un menteur, ils ont dit c'est un fou. Ils ont dit que sa propre épouse, radiyallahu anha wa ardaha, at-tahira, la pure, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, était une fornicatrice. Ils sont rentrés même deux dans sa famille. Ils sont rentrés deux dans sa famille pour humilier le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est prosterné. Et avec tout cela, il a patienté. Il s'est prosterné. Fatima, sa propre fille, a vu le prophète se prosterner. Et ils ont jeté des déchets, des impuretés sur son dos. Et voilà qu'elle tirait ses impuretés. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a fait que patienter. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans Sahih, ça sera le premier à ressusciter. Alayhi salatu wassalam, ça sera le premier à intercéder au jour de la résurrection, ça sera le premier à passer sur As-Sirat, le pont, aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Il est né orphelin, sa propre mère est décédée devant ses yeux alors qu'il avait 6 ans. Imagine-toi, cet enfant, il naît orphelin de père. À 6 ans, il voit sa mère mourir devant lui. Regarde les épreuves, avec cela, il grandit et il subit toutes sortes de préjudices, toutes sortes d'épreuves, pour satisfaire son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et transmettre cette noble religion pour que nous, au jour d'aujourd'hui, 14 siècles après, on soit là en train d'adorer Allah Azza wa Jal ici comme il se doit. Et cette cause et la cause de cela, ce n'est autre que qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Quelle personne peut apporter un plus grand bienfait que celui qui t'apportera ici le remède pour ne pas être en enfer éternellement? Une personne va te donner un cadeau qui va être éphémère. Il va te donner même un cadeau qui vaut 100 000 euros. Qu'est-ce qu'a à voir ce cadeau par rapport au cadeau que le prophète nous a laissé? Al-Qur'an wa sunnah bi fahmi salaf al-umma. Ce qui va te permettre d'aller au paradis éternellement. Jamais on sera reconnaissant comme il se doit envers le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ala al-aql, on dit, fais la prière et le salut sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et dit et répète souvent, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suis la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam et montre à travers ton comportement que tu l'aimes. Et ici, suis et étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a trouvé orphelin et Allah Azza wa Jalla l'a accueilli. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Alam yajidaka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Le prophète alayhi salatu wassalam a été accueilli par qui? Allah Azza wa Jalla. Il a reçu l'éducation de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur des éducateurs qu'il y a sur la surface de la terre, ce n'est autre que qui? Muhammad alayhi afdalu salati wa askat taslim. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, ayyuhal ahbab, qui intercèdera pour nous au jour de la résurrection, regardez, et qui pleurait ici-bas pour qui? Pour toi. Et pour toi, et qui maintenant, quand tu entends le prophète a dit, tu dis peut-être, wal'iyadu billah, certains, c'est bon, maintenant on est en 2012, ou on est en 2011, ou on est en 2010, ou on est, il pleurait. Jusqu'à ce que dans une version, Jibril alayhi salam, Allah azza wa jalla a envoyé Jibril alayhi salam, bien qu'Allah azza wa jalla y sait, walakin pour nous informer, pour nous rappeler l'importance qu'a le prophète alayhi salatu wa salam, ayyuhal ikhwat wal akhawat, il dit, ma yubkika ya Muhammad. Jibril dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Et ici, il a dit quoi? Ummati, ma communauté, toi, moi, lui, nous, il pleurait pour nous. Le prophète, il a tout fait, il a donné tous les efforts pour satisfaire son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et pour être la cause que toi, tu l'adores, Allah Azza wa Jal, selon le Coran et la Sunna, bi fahmi salafi l'umma, de la meilleure des façons. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il n'a jamais voulu autre chose que le bien pour l'ensemble de la communauté, bien plus que cela pour l'ensemble des gens. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et certes, nous ne t'avons envoyé que comme quoi? Miséricorde pour l'humanité. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. En l'an 10 de l'Hijr, ayyuhal ahbab, il y a eu des signes précurseurs de sa mort. Et parmi les signes précurseurs, il est rapporté que Jibril alayhi salam. Il est rapporté avant cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait l'i'tikaf pendant le mois du ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de faire l'i'tikaf pendant le mois du ramadan 10 jours. Et la dernière année, d'accord, où il a jeûné le mois du ramadan, le prophète, il l'a fait 20 jours. Ça, c'est parmi les signes précurseurs qui nous rappellent que le prophète, alayhi salatu wa sallam, va bientôt mourir. Khlas. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ici, Allah a dit, tu mourras et eux devront mourir. Si le prophète est mort, est-ce que toi, tu crois que tu vas pas mourir? Et le prophète, comment il est mort? Dans quelle situation? Alors que le prophète, alayhi salatu wa sallam, priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et Aïcha lui a dit, pourquoi tu pries autant, ya Rasulallah? وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tes péchés passés, futurs. Le prophète, il a dit quoi? Ya Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Avec cela, tout ce qu'il a sacrifié, comme personne n'a sacrifié. Comment il est mort, le prophète, alayhi salatu wa sallam? Mais où sommes-nous et comment on va être, nous, au moment de ce qu'on appelle as-sakarat, l'agonie de la mort, wa la hawla wa la quwwata illa billah? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait fait 20 jours l'i'tikaf, ce qu'on appelle la retraite pieuse, à la mosquée, au lieu de 10 jours dans les années précédentes. Signe précurseur. Deuxième signe précurseur, comme il est relaté dans Sahih, le prophète alayhi salatu wassalam ici, il récitait à Jibril alayhi salam la totalité du Coran. Il avait l'habitude de réciter la totalité du Coran ici, chaque année. Alors que la dernière année, le prophète alayhi salatu wassalam a récité, il a étudié Al-Qur'an Al-Karim avec Jibril alayhi salam, pas une fois mais deux fois. Donc regardez, ça c'est des signes précurseurs qui montre que quoi? Des signes précurseurs de sa mort. Et comme ils disent Ahlul Ilm, ça nous rappelle que la personne, plus elle s'approche de la mort, surtout si elle en a l'information, par exemple, avec des experts, des médecins, d'accord, qui ont les capacités, d'après la science, ici, de dire, tu t'approches de tes derniers jours, par exemple. Là, la personne doit multiplier les actions. Elle ne doit pas dire c'est trop tard. Non, multiplie les actions. Et ça, c'est une réponse aussi à ceux qui disent « Khlas, moi j'ai 50 ans, 60 ans, laïja al-baraka. Ana khlas, moi j'ai abed rabbil alamin, j'ai saddaq, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. » Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Aïe al-maut. Jusqu'à ce que te vienne la certitude. Le prophète alayhi salatu wa sallam, 63 ans, jusqu'à son dernier souffle, tu verras que le prophète alayhi salatu wa sallam ne cessait d'exhorter la communauté. Il ne cessait de faire ad-da'watu ilallah azza wa jalla. Il aimait da'wa. Il a vécu avec da'wa. Il a rempli son cœur de quoi? Ad-da'wa. Ad-da'wa. Il aimait da'watu ilallah azza wa jalla. Il l'aimait. Et ça, la preuve qu'il l'aimait, ce qu'on appelle ad-da'wa, la prédication, l'appel à Allah azza wa jalla. Ici, tu vois que dans ces derniers instants, le prophète ne cessait d'exhorter sa communauté et de donner des exhortations à sa fille, à ses épouses, aux compagnons, à tout le monde. Il donnait des exhortations, alayhi salatu wassalam, et il ne pensait pas à lui-même, alors que quoi? Il souffrait, comme il est relaté dans Sahih, il souffrait de quelle manière? Il disait, Wallahi par Allah, inni la u'aku kama yu'aku. Ici, je souffre comme souffrent deux personnes. Deux personnes d'entre vous. Il souffrait énormément. Et avec cela, il pensait à qui? Sa communauté. Ummati, recommandations, ses épouses, les compagnons, radiallahu anhu ardaou. Et il pensait toujours à quoi? Au bien de la communauté. Pour que nous, maintenant, on fasse honte, quelquefois, à quoi? À l'islam. On donne une mauvaise image de l'islam. On délaisse la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et on se dit, moi j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. On se dit, je laisse la barbe. Khlas, c'est une preuve que j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. Suis avec moi de façon complète. Abadan. On a dit, l'amour du prophète, c'est quoi? C'est le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam tant au niveau de son apparence physique, mais tant au niveau de son apparence physique, mais aussi au niveau de quoi ? Sa moralité, son comportement, ses manières, sa pudeur, sa moralité, son comportement. C'est lui qui a dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Certes, j'ai été envoyé pour compléter les bonnes moralités. « Alayhi afdalu salati wa askat taslim » Parmi les signes qui montraient que ça ikhlas, il s'approchait de sa mort. Ici, il est relaté dans Sahih al-Bukhari. Et au début du mois de Safar, en l'an 11 de l'Hijr, le prophète alayhi salatu wassalam s'était rendu à Uhud. Ici, parmi les signes précurseurs, c'était qu'il a commencé à dire ses adieux. Regardez, le prophète Hassan, il sent que c'est l'approche, que c'est la fin. Il sent que c'est la fin. Il commence à dire ses adieux. Faire ses adieux. À qui? Regardez qu'est-ce qu'il est relaté au début du mois de Safar de l'an 11. On est à l'an 11 de l'Hijr. Le prophète alayhi salatu wassalam se rendit à Uhud et fit une prière de recueillement pour les repos ou pour le repos de l'âme des martyrs ash-shuhada. En signe d'adieu. Par la suite, il s'en alla au mimbar et dit comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, il monte sur le mimbar alayhi salatu wassalam. Regardez, il va visiter les morts et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a recommandé de visiter quoi? Les morts. Car ceci nous fait rappeler quoi? Al-maut, la mort. Pour pas oublier ad-dunya. Parce que si tu restes noyé dans dunya toute la journée, les choses bonnes, les choses qui t'attirent, etc., ces délices, comment veux-tu penser à la mort? Peu penser à la mort, illa man rahim Allah. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde et celui qui a quoi? Anzur. Ici, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit quoi? Regarde. Qui tu prends pour ami intime? Regarde qui tu prends pour ami intime. Al-mar'u ala dini khalilih. La personne est sur la religion de son compagnie, de son compagnon, de son ami intime. Sauf celui qui est un compagnon qui lui dit, ittaqillah ya akhil habib. Voilà tansal maut. Il n'oublie pas la mort. Celui qui, il a un frère qui le rappelle. Mais si ici on est tout seul et on est baigné dans la vie d'ici Bakam, billahi alaykoum, on pense à la mort. Peut-être une fois dans la semaine, c'est pas assez. C'est pas assez, ayyuhal ahbab. Le prophète alayhi salam, visiter les morts, visiter les tombes. Et ceci pour lui faire rappeler la mort comme les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum le faisaient et l'ont fait tout au long de leur vie. Le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur le mimbar, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari. Et il dit, je vais vous devancer. Je vous sers de témoin par Allah. Regardez, des insinuations qui disent, khlas, je vais bientôt mourir. Je vais vous devancer. Je vous sers de témoin par Allah. J'observe à présent ma destination. On m'a donné les clés donnant accès au trésor de la terre. Par Allah, ce que je crains, ce n'est pas que vous retourniez au polythéisme shirk après moi. Toutefois, je crains que vous ne vous mettiez à rivaliser. Écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit aussi. Un jour, il sortit vers minuit et se rendit ici à Al-Baqi, où il demanda pardon pour les morts en disant « Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Occupants des tombes, les vivants vous plaignent pour votre sort. Les vivants vous plaignent pour votre sort. » C'est-à-dire ceux qui sont morts. Mais les tentations de la vie arrivent comme les moments d'une nuit de ténèbres. Et elles se succèdent et les dernières sont pires que les premières. Il rappelle que les gens se plaignent pour votre sort, mais ils ne savent pas dans quelle épreuve ils sont. Elles fitent, ils ne font que s'accentuer. Et le prophète il dit, elles se succèdent et les dernières sont pires que les premières. Et les dernières sont pires que les premières. Et il leur fit une annonce en ces termes, nous allons bientôt vous rejoindre. Nous allons bientôt vous rejoindre. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Après que son père ici, affaibli par sa maladie, c'est-à-dire le père de Fatima, radiyallahu anha wa ardaha, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, pour rappeler ici les signes précurseurs quand il était malade, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à sa fille, Fatima radiyallahu anha wa ardaha, il lui dit, ittaqillah, ittaqillahi wasbiri. Crains Allah azza wa jal et patiente. Et c'est là où le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, fani'ma salaf ana laki. Il dit, quel bon salaf je suis pour toi, ya Fatima. Et il lui a remonté le moral. Et ici, c'est parmi les signes qui montraient que le prophète allait bientôt mourir. Et ça, on va revenir sur ce hadith, incha'Allah ta'ala, lors de ses dernières heures, avant sa mort. Et au 28e ou au 29e jour du mois de Safar de l'an 11 de l'Hijr. Un lundi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, assista à un enterrement al-Baqi'. Donc ici, au 28e, où les savants divergent, au 29e jour du mois de Safar de l'an 11 de l'Hijr. Un lundi, le messager d'Allah assista à un enterrement à Al-Baqi'. Khlas. Donc on approche dans les derniers instants de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'il s'en revenait, il eut des maux de tête accompagnés d'une forte chaleur, dont on voyait les effets au-dessus du bandeau qu'il portait à la tête. C'est au moment où il est revenu de Al-Baqi'. La cause, pourquoi il a eu cette maladie? On va le voir bi-idhnillahi azza wa jal, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit al-ulama concernant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il est mort martyr ou est-ce qu'il n'est pas mort martyr? On va voir bi-idhnillahi azza wa jal. Il revient de Al-Baqi' alayhi salatu wassalam et il sent une forte chaleur, une douleur intense. Et voilà que la maladie du prophète alayhi salatu wassalam débuta. Quand? Comme ils disent l'ulama, 28e ou 29e jour du mois de Safar de l'an 11 de l'Hijr. Il dit à Aïcha radiyallahu anhu warda dans un hadith authentique, on va revenir sur ce hadith. Dans un hadith authentique, il a dit à Aïcha radiyallahu anhu wardaha, ya Aïcha, avec une traduction approximative, je sens encore ici les douleurs dues au repas que j'ai mangé lors de l'Khaybar ou al-Khaybar. Et ici, vous rappelez à Khaybar, qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui faisait partie d'une tribu juive qui lui avait donné un repas, un mouton, ici qui était empoisonné, il en a mangé. Et ensuite, il y a eu un miracle. Ici, la partie ou une partie de ce mouton a témoigné, a parlé, a rappelé au prophète alayhi salatu wasalam qu'il était empoisonné. Le prophète, il dit et il rappelle ici que quoi? Je sens encore la douleur due à quoi? Par la cause de quoi? Cette douleur? Ici, à cause de ce que j'ai mangé à Khaybar. Et certains savants, comme l'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, ils disent que la cause de sa mort, c'est ce qu'il a mangé qui était empoisonné. Et il dit, comme l'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, le prophète, alayhi salatu wasalam, est mort shahid. Il est mort martyr. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Malade depuis 11 jours à peu près. Il était malade depuis 11 jours et il ne cessait pourtant de diriger les prières. Au total, la maladie aurait duré, comme disent les savants à peu près, et vous retrouvez ces termes dans Rahiq al-Makhtoum, ils disent 13 à 14 jours. À la Kulihal, à peu près 2 semaines. 2 semaines de maladie intense. C'est pas une petite maladie. 2 semaines de souffrance intense. Et vous savez que parmi les signes de la bonne fin, c'est que la personne, par exemple, elle sue énormément du front. Ou alors, elle souffre énormément. Ça veut pas dire que la personne, elle est en train de quoi? Où ça prouve que quoi? Allah Azza wa Jalla est en train de la scandaliser et que c'est un signe de sa mauvaise fin. Pas du tout. La meilleure des créatures est morte en souffrant. Et plus la personne souffre ici-bas, à travers la maladie, à travers les épreuves, à travers Al-Ham, à travers les soucis, les tristesses, etc. Et plus ces choses-là lui permettent ici, par la permission d'Allah Azza wa Jalla, de se purifier de ses péchés. C'est une purification pour toi. Et c'est pour ça que le prophète alayhi sallam, il a dit si Allah Azza wa Jalla, quand Allah Azza wa Jalla aime un peuple, il les éprouve. Plus tu es éprouvé, et plus tu es aimé par ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Parce que plus tu es éprouvé, et plus à travers ces épreuves, Allah Azza wa Jal te purifie, jusqu'à ce qu'il est relaté dans un hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y aura des gens qui marcheront sur la surface de la terre sans aucun péché. Khlas, plus de péché, tellement qu'ils ont été éprouvés. Le prophète a souffert à peu près 2 semaines. On ne parle pas des autres persécutions qu'il a eues avant. Là, je parle de la maladie, la dernière maladie qu'il a eue, lors de ses derniers jours. Comment il est mort? Souffrance terrible, énorme. Où es-tu par rapport à ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Très très loin, et moi le premier. Comment allons-nous mourir afwan? C'est pour ça que le croyant doit toujours demander à Allah Azza wa Jal de lui donner ce qu'on appelle la bonne fin. Allahumma rizukna husna al-khatima, la bonne fin. Parce que tu ne sais pas comment, quand et où tu vas mourir et de quelle manière tu vas mourir. Et comme le prophète a dit, innama al-a'malu bil-khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Donc la personne doit s'efforcer de jour comme de nuit de toujours œuvrer et faire des bonnes actions de jour comme de nuit sans se dire j'ai le temps. Walidha qala al-ulama la tusawwif, ne dis jamais je vais faire cela, je pense faire. Non, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et ici, la dernière des actions ou les dernières de tes actions vont être une preuve ou plutôt un argument pour ou contre toi. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayhi wa man mata 'ala shay'in bu'itha 'alayhi. Pourquoi? Car ici, celui qui vit dans une situation mourra dans cette situation. Et celui qui meurt dans une situation ressuscitera devant Allah Azza wa Jal dans cette situation. La dernière semaine de sa mort. 2 semaines de souffrance. On passe à la dernière semaine, bi'idnillah azza wa jal, ici plutôt de sa vie, plutôt de sa vie. La maladie devient plus intense, comme il est relaté dans beaucoup de hadiths authentiques. Et ici, il suffit de voyager à travers les hadiths rapportés par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et je prends certains hadiths qui sont rapportés par At-Tirmidhi dans son sahih, dans le sahih At-Tirmidhi de Cheikh Al-Albani et d'autres. Et ici, on va voyager à travers des hadiths ou hadiths authentiques, bi'idnillah azza wa jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se mit à interroger au sujet de ces femmes. À cet égard, il disait, le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était ici dans les derniers jours de sa vie, la dernière semaine, et il parlait. Et il disait, où dois-je aller demain? Où je dois y aller demain? Où dois-je aller demain? Ici, pour faire comprendre aux gens, khlas, je serai où? Je serai avec qui demain? Et vous savez que la personne la plus aimée du prophète, alayhi salatu wassalam, la personne que le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait le plus, c'était qui? Aïcha, radiyallahu anha warda, pour la faire comprendre, est-ce que vous pouvez déléguer vos nuits pour Aïcha, radiyallahu anha warda, je veux passer ces jours durs, difficiles, en compagnie de Aïcha, billahi alaykoum. Si le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il vivait des moments très difficiles, une maladie très difficile, alors qu'il avait plusieurs femmes, il voulait passer ses derniers jours auprès de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Est-ce que c'était parce que Aïcha radiyallahu anha wa ardaha Ou est-ce qu'on peut dire cela parce que Aïcha radiallahu anha wa ardaha était la cause ici que le prophète alayhi salatu wassalam trouvait le repos quand il était en sa présence? Bien sûr que oui. Est-ce que vous croyez que le prophète a choisi Aïcha alors qu'il souffrait énormément? Pour rien? Est-ce que quand vous avez d'énormes soucis, vous allez voir les personnes que vous aimez le plus ou que vous détestez le plus? Que vous aimez le plus. Donc Aïcha radiallahu anha wa ardaha, ça c'est une preuve que c'était un énorme soutien pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète trouvait le repos chez Aïcha, et ça c'est le comportement que doivent avoir nos sœurs, nos mères, ici, et nos épouses. Ici c'est le comportement qu'avait Aïcha, le comportement qu'avait avant tout Khadija radiyallahu anha wa ardaha, qui n'a fait goûter au prophète alayhi salatu wassalam que quoi? Que le repos radiyallahu anhun. Et ici, celle-ci, c'est-à-dire les autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam, comprirent son propos et l'autorisèrent à aller où il voulait. Ils ont compris. Et le prophète a décidé d'aller devant qui? Ou vers qui? Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Il se dirigea vers Aïcha, marchant entre deux compagnons. Ici, Ibn Abbas et Ali ibn Abdel Muttalib, la tête bandée, cheminant pas à pas au point d'entrer chez celle-ci. Et c'est là qu'il passa la dernière semaine de sa vie, c'est-à-dire les 7 derniers jours, il les a passés chez son épouse Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et Aïcha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le soutenait, elle l'aidait et elle l'assistait. Et il est rapporté qu'elle récitait des versets du Coran ainsi que les prières qu'elle avait pu mémoriser grâce au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'elle utilisait al-ruqya shar'iyya, c'est-à-dire à travers le Coran et la sunna. Et elle prenait les paroles d'Allah Azza wa Jal, les versets coraniques et les paroles que le prophète alayhi salatu wassalam avait enseignées pour ici pouvoir être une cause de guérison pour les gens, et elle les utilisait pour que le prophète alayhi salatu wassalam, pour que ça soit bénéfique pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il est rapporté ici que après de nombreuses récitations, elle lui soufflait au visage et le massait de sa main dans l'espoir que son acte comporte al-baraka, la bénédiction. Et ici, ça c'était la dernière semaine de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était chez Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. 2 jours passèrent alors que le prophète souffrait énormément, et on est dans les 5 derniers jours de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Un mercredi, 5 jours avant le décès, le prophète alayhi salatu wassalam eut de la fièvre dans tout le corps et les maux de tête s'accentuèrent, et alors le prophète ne cessait de s'évanouir. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit et a parlé concernant la fièvre dans Sahih al-Bukhari, et il dit « Innal humma min fayhi jahannam » Ici, la fièvre est une émanation de l'enfer. « Fabruduha bilma » Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam avec une traduction approximative « Rafraîchissez-la » ou « Refroidissez-la » cette émanation de l'enfer avec de l'eau. Et ça, c'est un remède quand quelqu'un a de la fièvre, qu'il mette ici un gant, par exemple, ou un tissu avec de l'eau très froide, car le prophète alayhi salatu wassalam dit « La fièvre, la chaleur que tu ressens quand tu as de la fièvre, c'est une émanation de l'enfer. » Refroidissez-la, rafraîchissez-la, cette émanation de l'enfer, avec quoi? Avec de l'eau fraîche. Et regardez, tout ce qui indique la chaleur, ça a une relation en général avec quoi? Un nar, l'enfer. C'est-à-dire que ça doit nous faire rappeler toujours l'enfer. Ça doit toujours nous faire penser l'enfer, tout ce qui est chaud. Quand tu vois une chose très chaude, pense à l'enfer. C'est pour ça que le prophète dit dans Sahih al-Bukhari, l'enfer c'est plein. Et a dit, Ya Rab, oh mon Seigneur, ici il y a mes bords qui se dévorent les uns des autres. Mes bords se dévorent les uns des autres. Elle a parlé l'enfer. Comment? Allahu ta'ala a'lam wa ahkam. La croyance en cela est obligatoire. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné la permission de souffler 2 fois. Une fois en été et une fois en hiver. Et le prophète il a dit, voilà la cause. Pourquoi vous ressentez la forte chaleur, la canicule en été? C'est à cause de quoi? Le fait que l'enfer a soufflé une fois en été. Et le froid très intense que vous ressentez en hiver, c'est à cause de quoi? An-nar, jahannam, l'enfer plutôt. L'enfer a soufflé une fois aussi, Allah Azza wa Jalla a permis de souffler en hiver. Donc ici, quand les gens sortent, comme au jour d'aujourd'hui il a fait très chaud, la personne intelligente, la personne qui a un minimum de réflexion, s'est au moins souvenue une fois de l'enfer aujourd'hui. Wa illa sinon, Allahul Musta'an. Si la personne musulmane, croyante, quand il y a une forte chaleur, au moins il ne se rappelle pas une fois de ce hadith là rapporté par Al-Bukhari, ici que la forte chaleur est due à quoi? Au fait que l'enfer a soufflé. Ici, c'est une des preuves qu'il n'a pas une science et une compréhension complète ici, ou plutôt bonne de la religion. Complète, c'est un grand mot, mais bonne de la religion. Parce que le fait d'avoir une bonne compréhension de la religion, c'est de se dire quand il fait très chaud, khlas, pourquoi il fait chaud, j'ai compris cette religion, car Allah Azza wa Jalla a permis à l'enfer de souffler, et tu te rappelles de l'enfer. Pareil, ici quand tu as une forte chaleur, le prophète il a dit, c'est une émanation de l'enfer, tu as la fièvre. dis-toi, ya Rab, ça c'est qu'une émanation de l'enfer. Fabrudouha bilma. Refroidissez-la avec ici de l'eau. Et le fait d'avoir de la fièvre, vous savez très bien que c'est quelque chose de très très très très dur à endurer. Très difficile à endurer. Une grosse et une forte fièvre. Combien de personnes meurent de la fièvre? Et une personne, et je pense que la majorité ici ont eu au moins une fois une forte fièvre dans leur vie. Vous voyez que ici, vous êtes vraiment impuissant. Et vous voyez, et vous vous sentez même peut-être partir quelquefois en vous disant, khlas, ça c'est clair, wallahu alam, je vais mourir. Tellement que c'est très difficile à supporter les fortes fièvres. C'est quelque chose de très difficile. Le prophète, c'est ce qu'il a eu lors de ses derniers instants. 5 jours avant sa mort, il avait de plus en plus mal. De plus en plus mal, le prophète, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'il disait, versez sur moi 7 récipients d'eau. 7 récipients d'eau. Et ici, on le fit s'asseoir dans un récipient et ensuite, on lui versa de l'eau au point qu'il se mit à dire, ça suffit, khlas, khlas. Et il disait, il ne cessait de dire, rajoutez-moi de l'eau, rajoutez-moi de l'eau. Et comme on va le voir vers la fin, lui-même, alayhi salatu wassalam, il prenait de l'eau. Ici, avec sa main droite, et ici sa main bénite, et il mettait de l'eau sur son visage, et il souffrait énormément devant son épouse Aïcha radiyallahu anha wa arda, et devant les compagnons, et il disait, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Et il répétait ça, il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Certes, la mort à son agonie, il souffrait énormément, et ça c'était au moment de quoi? L'agonie de la mort, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et il dit, alayhi salatu wassalam, alors qu'il sentait qu'il s'approchait de la mort, et il ne cessait de répéter, il répétait quoi? Nafsi, nafsi, nafsi. Ou plutôt, il donnait des recommandations. Alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a rappelé qu'il l'a envoyé pour, ou en tant que quoi? Avertisseur. En tant que quoi? Avertisseur. C'est-à-dire qu'il quoi? Il avertit les gens du danger. Et il annonce la nouvelle, la bonne nouvelle pour les croyants et les vertueux, qu'ils auront le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé de faire la prédication à Allah Azza wa Jalla jusqu'à ses derniers jours. Regardez, il souffrait énormément. Il disait, versez sur moi de l'eau. Et au même moment, qu'est-ce qu'il disait? N'adoptez pas ma tombe comme une idole à adorer. N'adoptez pas ma tombe comme une idole à adorer. N'adorez pas ma tombe, parce qu'il savait qu'elle allait mourir et il savait très bien que quoi? Il y a des gens avant lui qui sont tombés dans l'excès, comme ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, ceux qui ont suivi les prophètes ici qui l'ont précédé, et certains sont tombés dans l'excès jusqu'à ce qu'ils ont adoré ces prophètes-là. Ou alors ils ont adoré leur tombe. Le prophète lui-même, il dit, attention, regardez les dernières recommandations. Il leur apprend encore, il leur rappelle c'était quoi? At-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et il les mettait en garde sur quoi? Ash-shirk billahi Azza wa Jal. Ash-shirk, l'association. Et il dit, n'adorez pas ma tombe, n'adorez pas ma tombe. Khlas, il sait qu'il commence à s'approcher de la mort. Ensuite ici, il s'exposa à la vengeance en disant, que ceux dont j'avais fouetté le dos se vengent, voici mon dos. Que ceux dont j'avais brisé la réputation se vengent. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Car il sait que khlas, au jour de la résurrection, ni dinar, ni dirham, comme le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même l'a dit, ne te profitera en rien. Donc celui qui a un problème avec son frère, et celui qui a une dette envers son frère, ici qu'il résout ce problème ici-bas, avant le jour qui vienne, ou avant que le jour vienne, où ni dinar, ni dirham ne profitera en rien du tout. Donc khlas, le prophète l'a enjoint, il a dit, khlas, t'as un problème avec quelqu'un, tu dois quelque chose à quelqu'un, ici, rembourse tes dettes, va voir les gens à qui tu as fait du mal, répare tes erreurs avant le jour de la résurrection, où ça, ni tes dirhams, ni tes dinars ne te profiteront en rien. Si tu as fait du mal et porté préjudice à une personne, et tu ne t'es pas excusé à Abdallah, sûrement au jour de la résurrection, tu lui donneras de tes hasanats, et si tu n'as plus de hasanats, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu prendras de quoi? De ces sayyi'ats, c'est-à-dire de ces mauvaises actions, de ces désobéissances, de ces péchés, et tu les porteras sur ton dos. Le prophète lui-même, il sentait qu'il s'approchait de la mort, et il dit khlas. Toute personne à qui j'ai fait de façon générale du mal, qu'il vienne pour que je répare ma faute. Pour que je répare ma faute. Et ça fait partie de la modestie du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça que doit réagir le croyant. Toujours, est-ce que je t'ai fait du mal? Khlas. Si la personne te dit oui, répare ton erreur avec la personne. Mais demande aux gens, surtout quand tu as des doutes, est-ce que j'ai fait du mal à un tel? Est-ce que je ne dors jamais en te disant j'ai fait du mal à beaucoup de gens? Mais khlas, mon orgueil l'emporte. Ou alors le fait de suivre mes passions l'emporte. Mon âme instigatrice au mal l'emporte. Et je satisfais mon âme et je crois dormir tranquille. Et si je meurs dans cette soirée, wallahi al-adim, ça sera que regret, humiliation au jour de la résurrection. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où quoi? Ni les biens et ni les enfants ne te profiteront en rien, sauf celui qui rencontre son Seigneur avec un cœur avec un cœur saint, c'est-à-dire sans jalousie, sans rancœur, sans haine, mais un cœur saint, rempli de l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager alayhi abdallu salati wa askat taslim. Cela dit, il descendit à accomplir la prière de Dhuhr. Et ici, dans une version, il est rapporté qu'ici, il y a un homme qui a répondu, il a dit, si, ah, moi, ya Rasulallah, moi, tu me dois 3 dirhams. Et le prophète alayhi salam a dit, donne-les lui, toi, oh, toi, un tel. Il a dit à un compagnon, donne-lui, rembourse son argent. Donc le prophète alayhi salam, il a voulu partir sans aucune dette, sans aucun conflit, sans aucune erreur envers un croyant qui ne le méritait pas, envers un croyant ou avec un croyant qui ne méritait pas ça. Et ici, il fait des recommandations au sujet des Ansar. Et le prophète aimait énormément Al-Ansar. Et il dit, alayhi salatu wassalam, je vous recommande les Ansar, car ils constituent ma chaise et ma malle. Et ils ont fait leur devoir, et à présent, il leur reste de jouir de leurs droits. Acceptez leur bienfaisance, la bienfaisance des Ansar, et pardonnez-leur leurs mauvaises actions. Le prophète aimait vraiment Al-Ansar. Donc il sait qu'il parle. Il dit quoi? Des recommandations. Pourquoi? Pour que les gens continuent à soutenir ceux qui l'ont soutenu, Al-Ansar. Et à aimer ce que lui-même a aimé et que eux ont aimé le prophète Hassan, Al-Ansar. Donc il a recommandé, et dans plusieurs versions, le prophète a recommandé la bienfaisance envers Al-Ansar. Et à cela, le prophète a rajouté, Allah avait donné à son serviteur à choisir entre deux choses. Et là, on est dans les 5 derniers jours. Allah Azza wa Jalla a donné à son serviteur à choisir entre deux choses. Lui faire obtenir tout ce dont il avait besoin dans la vie, ou le faire profiter de ce qu'il y a auprès de lui, Allah Azza wa Jalla. Le serviteur préféra la deuxième position, pour leur rappeler que khlas, il a choisi la bonne compagnie. Et ensuite, sur ces mots, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda, Abu Bakr se mit à pleurer et dit, nous te rachetons en t'offrant à la fois nos pères et nos mères, ya Rasulallah. Et c'était pas des fausses paroles. Ils ont tout sacrifié pour le prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont prouvé leur amour envers le prophète comme personne après eux ne pourra prouver son amour envers le prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons et à leur tête, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa ardahum, remplis d'admiration. Les gens disent, regardez ce vieillard. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam raconte qu'Allah l'avait fait choisir entre les délices de la vie et ce qu'il y a auprès de lui, et voilà que ce vieillard se met à dire, nous te rachetons en t'offrant nos pères et nos mères. Le serviteur en question était le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Abu Bakr en sait plus que nous. Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, l'homme le plus généreux à mon égard dans sa compagnie et dans ses biens est certes Abu Bakr. Et si je devais choisir un ami intime autre que mon Seigneur, c'est lui que je choisirais comme ami, c'est-à-dire Abu Bakr radiyallahu anhu arda, qui a reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. 4e jour avant sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on était le jeudi, ou qu'il était le jeudi, ici c'était le jour du jeudi, 4 jours avant le décès, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam commençait à parler, mais sous l'effet d'une douleur extrêmement intense. Et il dit, venez, je vais vous rédiger un document qui permettra de ne pas vous perdre, venez. Mais il était tellement touché par la douleur, alors qu'il a dit ces paroles, il disait ceci en la présence des gens, dont Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Et celui-ci, Omar, dit, il vous parle sous l'effet de la douleur. Il vous parle sous l'effet de la douleur. Vous avez le Coran et le livre d'Allah Azza wa Jal. Le livre d'Allah Azza wa Jal vous suffit. Toutefois, les gens divergèrent et se mirent à discuter. Certains d'entre eux dirent, approchez le messager d'Allah, alayhi salam va rédiger un document. Et d'autres suivirent le point de vue de Omar. C'est-à-dire, non, il parle, mais il est plus conscient. Parce que vous savez que quand quelqu'un est touché par une énorme ou une très forte douleur, et surtout la fièvre. Donc quelquefois, il dit des choses et il ne sait pas ce qu'il dit. Et Omar, il a dit, non, khlas, on a le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire, prenez pas de risque. Peut-être c'est la forte douleur qui fait qu'il va dire des choses et qui ne sont pas à prendre en compte. Et d'autres, ils ont dit, non, khlas, on va prendre. Et donc, ils ont commencé à diverger entre eux. Est-ce qu'on écrit ce qu'il va dire ou pas? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, allez-vous-en. Tellement qu'il avait mal, il entendait ici ces conflits, il leur a dit, allez-vous-en. Jusqu'à ce jour où le prophète alayhi salatu wassalam dirigeait les 5 prières malgré sa maladie. Donc le prophète, il priait toujours salat al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, alors qu'il était très malade et il souffrait énormément, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et ici, jusqu'au jeudi, situé à 4 jours de sa mort, au moment de la prière de l'isha, la maladie devint plus grave. Donc le jeudi, 4e jour, d'accord, avant sa mort. Ici, le 4e jour avant sa mort. Donc 4 jours plutôt avant sa mort. À l'heure de l'Isha, le prophète il a fait salat al-Maghrib pour les gens. Salat al-Isha, le prophète, dû à sa forte douleur, ici il perdait connaissance. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il cessait de dire ici, est-ce que les gens ont prié? Et il dit non, ya Rasulallah, ils t'attendent. prophète il perdait connaissance. Et il voulait faire salat al-isha pour les gens. Ils se réveillaient et tout le monde l'attendait. Ils disaient, est-ce qu'ils ont prié? Ils disent, non, il t'attend. Et il repartait. Et ici, il reperdait connaissance. Et il disait, mettez-moi de l'eau dans le récipient. Mettez-moi de l'eau dans le récipient. Et il est rapporté, nous mîmes de l'eau dans celui-ci. Alors il s'assied ensuite, allait se lever avant de s'évanouir. Revenu à lui, il dit, est-ce que les gens ont prié? Il mettait de l'eau sur lui, se levait, il s'efforçait, il voulait se rapprocher ici de l'endroit de la prière. Il tombait par terre. Il se relevait. Il dit, est-ce qu'ils ont prié? Il disait, non, ils t'attendent. Et il ne cessait de s'évanouir. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Revenu à lui, il dit, les gens ont-ils prié? Sur ces mots, il s'évanouit une deuxième fois, puis une troisième fois avant de s'évanouir comme la première fois lorsqu'il essayait de se lever. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Après cela, il envoya auprès d'Abu Bakr, lui donnant l'ordre de diriger la prière. Et en ces jours, celui-ci dirigea 17 prières à Abu Bakr radiallahu anhu wa arda, ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète alayhi salatu wa salam. Donc après le jeudi, à partir de la prière de l'Isha, 4 jours avant sa mort, prière de l'Isha, Abu Bakr, il faisait la prière. C'est lui qui présidait la prière. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait dit, dites à Abu Bakr radiallahu anhu wa arda de présider la prière. Dites à Abu Bakr de présider la prière. Et ici, Aïcha s'est levée. Elle a dit, ya Rasulallah, tu sais très bien que on comprend rien quand Abu Bakr il fait la prière, tellement qu'il pleure. Certains gens de science, ils ont dit, c'est pas par désobéissance envers le prophète alayhi salatu wa sallam, mais c'est qu'elle savait que c'était une lourde responsabilité. Et elle savait que personne n'était au niveau de remplacer le prophète. Et elle s'est dit, c'est mon père, Abu Bakr. Si c'est lui qui prend cette responsabilité, elle avait peur pour son père. Certains gens de science ont dit ça. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, c'est mieux de renvoyer cette responsabilité auprès de quelqu'un qui est plus dur pour cette, et qui est plus apte peut-être à assumer cette responsabilité. Elle dit, on va demander à Omar. En fait, il dit, demandez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha radiallahu anhu wa arda, qu'est-ce qu'elle a fait? À ce moment-là, Aïcha radiallahu anhu wa arda, elle est partie envoyer le message, c'est-à-dire de dire à Omar de présider la prière. Le prophète, il a entendu Omar réciter la prière. Et quand il a entendu, il a dit, ne vous ai-je pas dit de dire à Abu Bakr de présider la prière? Et il a dit, Aïcha radiallahu anha wa ardaha, il lui a dit, vous êtes certes, avec une traduction approximative, les compagnes de Youssouf, allez voir Abu Bakr qu'il dirige la prière. C'est-à-dire, les compagnes de Youssouf pour ici rappeler ou remettre à l'ordre Aïcha radiallahu anha wa ardaha en disant, khlas, ne soyez pas comme les femmes qui ont été décrites dans le Coran al-Karim, quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, inna kaydakunna azim. Certes, vous, votre ruse, les femmes, elle est vraiment énorme. Khlas, il dit, je vous ai dit Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Ne cherchez pas à comprendre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, huwa man huwa alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Le prophète a dit, sami'na wa ata'na. Et ici, Abu Bakr a pris cette lourde responsabilité alors qu'il ne voulait pas. Et dans une version, il disait, Omar, prends. Omar disait, non, toi, prends. Abu Bakr, non, toi. Au jour d'aujourd'hui, où les gens, quand ils entendent, où ils entendent une responsabilité religieuse, ils courent, et ils ont oublié la parole du prophète quand il a dit dans Sahih Muslim, et il a tapé dans l'épaule de Mu'ad. Il a dit, ah, Mu'ad, alors que Mu'ad lui disait, ya Rasulallah, nomme-moi gouverneur de tel et tel endroit. Il a dit, ah, Mu'ad, avec une traduction approximative, cette responsabilité ou les responsabilités au jour de la résurrection ne sont quoi? Ce sont que quoi? Regrets au jour de la résurrection. Reste à ta place, ya Mu'ad, à cette montagne. Ou plutôt, Afwan, Abu Dhar. Il lui dit, Abu Dhar, reste ici. Ce n'est que quoi? Regrets au jour de la résurrection. Les responsabilités, al-mas'ouliyat, qui sont prises au jour d'aujourd'hui, sans science, par beaucoup de gens, malheureusement. Et on voit des gens qui s'accourent ou qui courent pour être responsables dans telle mosquée, ou responsables religieux, ou imams, ou prédicateurs, alors qu'il n'y a aucune crainte d'Allah Azza wa Jal, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bakr wa Omar, prends-la toi. Mais quand il faut prendre la responsabilité, tu la prends. Si tu sais que si tu ne la prends pas, quelqu'un de pire que toi va la prendre, là c'est une responsabilité pour toi que de prendre cette responsabilité. Et si tu ne la prends pas, tu rendras des comptes auprès d'Allah Azza wa Jalla et Abdallah. Le principal, c'est que tu ne veux pas prendre les responsabilités. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui ne veut pas prendre une responsabilité mais qu'on lui la donne, aura le soutien d'Allah Azza wa Jalla et des gens. Contrairement à celui qui veut prendre une responsabilité sans que aussi on lui a donné cette responsabilité. Ici, il aura le fait, ou plutôt il se verra délaissé par Allah Azza wa Jalla et les gens aussi. Wal'iyadu billah. Donc, ya Abdallah, prends exemple sur Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, il faisait la prière. Khalas, il présidait la prière. 4 jours avant sa mort, salat al-Isha. Ici, il ne cessait de présider la prière à Abu Bakr pendant les 4 jours. Et là, le prophète souffrait de plus en plus. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. 2 jours avant sa mort, 1 ou 2 jours avant sa mort, comme disent les ulama, le samedi ou le dimanche, rapporté par Al-Bukhari au Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, ici se sentit un peu mieux. Et escorté par deux hommes, alors qu'Abu Bakr radiallahu anhu arda, c'est lui qui faisait la prière. Le prophète, il pouvait plus. Imaginez-vous, il était arrivé à un stade où il pouvait même plus se lever. Et à Salat Isha, quand il voulait se lever, il tombait par terre. Il mettait de l'eau. Et il disait, khlas, ils ont pris, non, ils t'attendent. Il revenait une deuxième fois, une troisième fois, il s'évanouissait. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Au jour d'aujourd'hui, où les gens ont leur forme, ont leur santé. Et ici, c'est une épreuve, comme Allah Azza wa Jalla dit, wa nabluukum bi sharri wal khayri fitna. Et certes, on va vous éprouver par le mal et le bien, type de tentation. Allah Azza wa Jalla, combien de personnes, il les éprouve par le bien, c'est-à-dire en leur donnant la santé, et ces gens-là s'éloignent du bien, c'est-à-dire la mosquée. Et ils ont oublié que c'était une épreuve. Le fait d'être dans le bien, c'est une épreuve. Allah a dit, on va vous éprouver par le mal et le bien, à titre de tentation, ya Abdallah. C'est une épreuve pour toi de vivre dans le bien, avoir la santé. Qu'est-ce que tu vas faire de cette santé? T'es dans le bien? Tu viens très rarement à la mosquée. Tu fais pas tes prières à la mosquée. Et tu restes dormir chez toi. Ensuite, tu dis, j'aime Allah Azza wa Jal. Voilà l'exemple, ya Abdallah. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète, c'est un excellent exemple. Salat al-Isha. Très très malade. Et voilà qu'il tombait, il s'évanouissait, il remettait de l'eau, il s'évanouissait, il remettait, il dit, est-ce qu'ils ont prié? Non, ils t'attendent, ya Rasulallah. Jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à se lever, alayhi afdalu salati wa askat taslim, le jour où les gens, dès qu'ils toussent un peu, je suis malade, j'ai pas besoin de venir à la mosquée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ensuite, ici, Abu Bakr, il dirigeait la prière. Et ici, le prophète, alayhi salatu wa salam, il se sentit mieux, escorté par deux hommes, et il sortit pour effectuer salat al-dhuhr. Abu Bakr, il était en train de prier. Et il dirigeait la prière, le voyant venir, le prophète s'approchait alors qu'il était escorté par deux hommes. Imaginez-vous, il le tenait pour aller faire la prière, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, il sent, il voit le prophète, alayhi salatu wassalam, s'approcher. Ici, il se mit à se replier, mais le prophète, alayhi salam, lui a fait un signe. Il dit, khlas, reste. Il lui fait un signe, lui ordonnant de ne pas reculer. La modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. Après quoi, il dit, installez-moi à côté de lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a installé à gauche de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et les deux hommes, alors, l'installèrent à côté d'Abu Bakr, à gauche d'Abu Bakr. Et celui-ci imita la façon de prier du prophète, alayhi salatu wassalam, et faisait entendre aux gens le takbir. Le prophète s'est mis à gauche pour présider la prière, mais à côté d'Abu Bakr. Le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, et la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'était quoi? Un ou deux jours avant la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le dimanche? Le dimanche, ici, avant sa mort, c'est-à-dire un jour avant sa mort, plus précisément, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, affranchit ses esclaves, fit une aumône de 6 ou 7 dinars qu'il avait avec lui et donna ses armes aux musulmans. Khlas. Il se débarrasse au fur et à mesure de tout ce qu'il a. C'est pour ça qu'il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète, quand il est mort, il n'a rien laissé derrière lui qui lui appartenait. Il avait tout délié. Il n'avait ni laissé de brebis, ni de troupeaux, ni de millions, ni d'argent, ni de... rien du tout. Il est parti sans rien. Tout ce qu'il avait, il l'avait délégué en aumône. Ça, c'est le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous rappelle que quoi? Il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Le jour où quoi, les gens investissent, jusqu'à ce que des gens, jour et nuit, on leur entend, ou on les entend dire, walakin, il faut que je laisse quelque chose à mes enfants. C'est pour ça que je mets de l'argent de côté. C'est pour ça que j'investis ça. C'est pour ça que j'achète tel commerce. C'est pour ça. Il a oublié, ya Abdallah, la meilleure des choses que tu peux laisser à ton fils, c'est quoi? Comme a dit alayhi salatu wassalam, idha mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Prophète, il a dit, quand l'être humain meurt, tout est interrompu sauf trois choses. Et il dit, une œuvre ici qui est pérenne, qui reste, ou bien une science que tu as appris qui est bénéfique, ou bien, ya Abdallah, regarde le vrai investissement que tu peux laisser derrière toi, et la meilleure des choses que tu peux laisser derrière toi, un enfant pieux. C'est la meilleure des choses que tu peux laisser derrière toi, le meilleur investissement. Pourquoi? Car le prophète a dit qu'il prie pour lui. Un enfant vertueux, pieux, un enfant vertueux qui prie pour toi. Lui, il est pieux, vertueux, tu lui as laissé la meilleure des choses. Car si tu lui laisses l'islam, tu lui as tout laissé, alhamdulillah. Et cet enfant pieux, c'est le meilleur des investissements, il fait dua. Allahumma ghfir li abi, Allahumma ghfir li ummi. Ça va être bénéfique dans ta tombe. Ça va être bénéfique et peut-être sûrement une cause de ta facilité ou de la facilité ou ta facilité pour entrer au paradis, ya Abdallah. Le prophète, il a dit, un enfant vertueux qui prie ici pour ses parents. Ça, c'est l'investissement. Et ne laisse-moi que j'investis ça pour mon fils ou je lui laisse tant d'argent ou ceci ou cela avant de te dire, je dois laisser l'éducation islamique, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, la piété à mon fils. Ensuite, à côté, si tu veux laisser de l'argent de côté à ton fils, ça, khlas, fait. Il n'y a pas de souci. Walakin, la principale des choses, c'est de laisser at-taqwa, la crainte. À qui? À ton fils, ya Abdallah. À ta fille, ya Abdallah. Car ceci va être bénéfique et va être un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Comme a dit, alayhi salatu wassalam, كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيتي. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Le dernier jour, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, alors qu'il accomplissait la prière d'Al Fajr du lundi, le dernier des jours, le jour où le prophète alayhi salat wa sallam est mort, le lundi, retenez bien le lundi, le 12 de Rabi al-Awwal, le jour où le prophète est mort, et il y a une divergence, très grande divergence, concernant la naissance du prophète. Et certains font la naissance du prophète le 12 de Rabi al-Awwal, alors qu'il y a une énorme divergence, est-ce que le prophète est né cette journée-là, sans rentrer dans le fait que le prophète n'a jamais fêté son anniversaire, et il fête son anniversaire, wal'iyadu billah, alors que ici, les textes authentiques nous rappellent que le prophète n'est pas né le 12 de Rabi al-Awwal, mais il est mort le 12 de Rabi al-Awwal. Nous disons à ces égarés et à ces ignorants, vous fêtez la mort de votre prophète, alayhi afdalu salati wa askat taslim, wa sadaqa jalla jalaluhu idh yaqul, wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum. Et certes, Shaitan leur a embelli leurs actions. Le lundi 12 de Rabi al-Awwal, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, alors que les musulmans, ici, accomplissaient la prière de l'Fajr, du lundi, prière dirigée par Abu Bakr. Ils furent surpris de voir le prophète alayhi salatu wassalam, alors que vous savez que la maison du prophète, il était chez Aïcha, était collée à l'endroit de prière, simplement séparée par un rideau. C'est comme si vous disiez, ici, cette pièce-là, il y avait un rideau, le prophète était là. C'était sa maison. Donc ici, il a soulevé le rideau. Khlas, il a regardé les compagnons alors qu'ils étaient en train de prier, et le prophète alayhi salatu wassalam a fait un sourire. Le dernier jour. Et donc à ce moment-là, il sourit, et alors Abu Bakr se ravisa, et vous le regagnez les rangs, alhamdoulilah. Ils étaient heureux, énormément heureux. Ils aimaient le prophète alayhi salam, ils étaient tous attristés. Ils ont vu ça, ils ont dit alhamdoulilah, Abu Bakr l'a voulu reculer. Tout le monde s'est réjoui. Khlas, le prophète alayhi salatu wassalam est guéri. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un geste à Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Ici, un signe de la main pour leur donner l'ordre de continuer la prière, et ensuite resta dans sa chambre. Il lâcha le voile alayhi salatu wassalam alors qu'il leur a fait un geste, khlas, restez dans la prière. Il a lâché le voile, et depuis ce fait-là ou cet événement-là, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il n'a pas refait une prière avec les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Après cette prière, le prophète ne vécut pas jusqu'à l'autre prière, c'est-à-dire Salat al-Dhuhr, peu après le milieu de la matinée. C'est à ce moment-là où il appelait sa fille Fatima, alors qu'il souffrait énormément. Il appelait Fatima radiyallahu anha warda, cette même fille qui était là et qui a soutenu le prophète quand ils ont versé les impuretés sur son dos et qui a souffert. Imaginez-vous votre fille ici qui vous voit humiliée et qui vous assiste. Et là maintenant Fatima, elle se rapproche de son père et elle voit son père souffrir énormément. Et c'est à ce moment-là ici que Fatima radiyallahu anha warda, elle s'est mise à côté du prophète alors que le prophète lui a dit de se rapprocher et lui a murmuré quelque chose à l'oreille et elle se mit à pleurer. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam une deuxième fois, ici il lui a murmuré autre chose dans l'oreille et à ce moment-là elle s'est mise à sourire radiyallahu anha wa ardaha. Ensuite Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle dit, après cela nous avons interrogé Fatima, après tout ça, on a interrogé Fatima cherchant à être informée sur ce que le prophète lui avait dit. Et Fatima lui a dit, ya Aïcha, elle lui a dit, le prophète m'a dit qu'il allait mourir et j'ai alors pleuré. C'est le prophète alayhi salam dit à sa fille, là je vais mourir, ça y est. Et elle s'est mise à pleurer. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, il m'a informé que toute sa famille ou de toute sa famille je serai la première à la rejoindre. De toute sa famille je serai la première à le rejoindre. Et j'ai alors éclaté de rire ou j'ai souri. Et le prophète annonça à Fatima qu'elle était la maîtresse des femmes des mondes. Qu'elle était la maîtresse des femmes des mondes. Et la Fatima radiyallahu anha wardaha a souri, et constatant le chagrin qui envahissait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, elle cessait de répéter quand elle voyait son père souffrir énormément, elle dit, ya karba abata, oh mon père, je plains mon père, tellement qu'il souffrait. Et Fatima, elle était auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et toutefois le prophète alayhi salatu wassalam dit, ton père, ya Fatima, n'aura plus de chagrin à partir de ce jour, ne pleure pas et ne t'afflige pas, après ce jour ton père n'aura plus aucun chagrin. Et il appela Al-Hassan et Al-Hussein, leur donna un baiser et recommanda le bien à leur égard, et il donna à chacun une recommandation alors qu'il était dans ses dernières minutes avant de mourir. Il dit à Fatima, khlas, ton père va plus souffrir. Et sa fille ne cessait de crier et de dire, ou plutôt de dire, sans crier bien sûr, et cela montait comme certaines personnes égarées le font maintenant en se déchirant les habits et se griffant ici le visage quand une personne proche de eux meurt. Non, mais elle disait, oh mon père, je le plains, il souffre. prophète il appelle Al-Hassan et Al-Hussein. Et à ce moment-là, il leur donna un baiser, recommanda le bien à leur égard. Puis il fit venir toutes ses épouses, auxquelles il consacra des exhortations et des rappels. Alors qu'il souffrait énormément, et leur disait, tenez, je vous recommande ceci, ceci et cela. Sa douleur s'intensifiait, mêlée du poison qu'il avait consommé à Khaybar. Et à cet égard, il disait, Aïcha, ya Aïcha, je ne cesse de sentir l'effet du mets que j'avais consommé à Khaybar, et je sens à présent mon artère horte se rompre à cause de ce poison, ya Aïcha. Et il rappelle ici que c'était la cause de cette maladie et ces douleurs intenses, c'est ce qu'il a mangé à Khaybar, comme on l'a dit précédemment. Et il s'était couvert le visage avec un morceau à lui qu'il enlevait toutes les fois qu'il se sentait gêné. Il disait, il en est ainsi. Ces dernières paroles et ces dernières recommandations, j'en furent qu'Allah Azza wa Jal maudisse ici ceux qui ont adopté comme lieu de prière la tombe de leur prophète. Avertissement contre les pratiques de celle-ci, ne confinez pas ma religion en Arabie. Et ici, il disait et il rappelait la prière et la bienfaisance. Et ces dernières paroles, c'est ici min babil amana, c'est un hadith da'if par certains gens de science, mais je vous le cite quand même. Il aurait dit et il recommandait les dernières paroles qu'il disait, as-salah, la prière et la bienfaisance. Il recommandait quoi? La prière, alors que quoi? Il était dans un moment qu'on appelle l'agonie de la mort. Et ici, Aïcha l'appuya sur elle en tout, et elle disait, comme il le relatait dans un hadith authentique, il est des faveurs qu'Allah m'a accordé, le fait que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est mort chez moi, appuyé contre ma poitrine, et qu'au moment de sa mort s'unisse ma salive avec la salive du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'était quoi? C'était un honneur pour Aïcha, le fait que quoi? Le prophète est mort dans ses bras, le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort alors qu'elle était près de lui. Et à ce moment-là précis, entra Abdurrahman ibn Abi Bakr, tenant dans sa main un siwak. Le prophète, alayhi salam, il était contre Aïcha, radiyallahu anha, wardaha, et il souffrait énormément, et ici, ce compagnon rentrait avec un siwak. Alors je lui dis, c'est-à-dire, Aïcha, je te le donne, ya Rasulallah. Le prophète, alayhi salam, il a fait un signe. Il opina la tête. Ensuite, je lui donnai, et il tint fortement. Après, je lui dis, veux-tu que je te le ramoulisse? Le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il a pris siwak, l'importance du siwak, alors qu'il était quand? Les dernières minutes avant sa mort, il a donné importance à quoi? Au siwak. Et ici, Aïcha a dit, je veux te la mouler. Il a dit, naam, il arrivait à faire qu'un, il pouvait plus parler. Il faisait un signe avec sa tête. Et là, Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, elle dit, il opina la tête. Alors je ramoulis le siwak. Après quoi, il le réclama. Un certain rapport précis que le prophète, alayhi salatu wassalam, un certain hadith, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est bel et bien, ou a bien, bel et bien utilisé le siwak. Alors que devant lui, il y avait ici une sorte de récipient contenant de l'eau. Il se mit à introduire sa main dans l'eau. Et à ce moment-là, après avoir utilisé le siwak, et être auprès de Aïcha radiallahu anha wa ardaha, il mettait sa main dans le récipient et il mettait l'eau sur sa tête et il disait, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat, Allahumma hawwin alayya sakaratil mawt, La ilaha illallah, certes la mort a son agonie, Ya Allah, ici, diminue pour moi l'agonie de la mort, c'est-à-dire l'intensité de cette douleur. C'était très dur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et dès qu'il eut fini de se curer, c'est-à-dire les dents avec le siwak, il leva sa main ou son doigt et du même coup son regard était tourné vers le plafond. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il disait quoi? La compagnie suprême alayhi salatu wassalam, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit à ce moment-là, quand j'ai vu le prophète montrer le doigt ou alors avec son doigt le plafond et ici bouger ses lèvres, je me suis approché du prophète alayhi salatu wassalam et j'ai entendu, avec ceux à qui tu as accordé tes faveurs, parmi les prophètes, les véridiques, ash-shuhada et salihin, ici les vertueux, Seigneur pardonne-moi, sois clément avec moi, fais-moi rejoindre l'éternel, Seigneur, l'éternel. Et il répéta cela à trois fois, comme l'a dit Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et là à ce moment-là sa main est tombée. وَمَاتَ الْحَبِيبَ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَسْكَ التَّسْلِيمِ. Et cet événement eut lieu à peu près après le milieu de la matinée du lundi 12 du mois de Rabi al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire, alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait 63 ans et 4 mois. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam est mort, ça a bouleversé tous les compagnons, et à leur tête la personne qui était réputée pour sa forte conviction, sa forte croyance, et ici, réputé comme étant une personne qui était très forte, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ici, quand il a entendu la mort du prophète alayhi salatu wassalam, comment a réagi Omar? Ce jour-là, qui a été décrit par Anas radiyallahu anhu arda, et le récit est relaté dans Sahih al-Tirmidhi. Anas radiyallahu anhu arda, il a dit: je n'ai jamais vu un jour aussi beau et lumineux que celui où nous avons rencontré le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il dit: et je n'ai jamais vu un jour aussi obscur et aussi laid où celui où nous avons, ou celui-ci, c'est-à-dire le jour où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a quittés après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, Fatima radiyallahu anhu arda a dit, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari: mon père a été rappelé à Allah azza wa jal, son abri sera le paradis al-Firdaus, nous annonçons la mort à Jibril. Mon père a été rappelé à Allah, son abri sera le paradis al-Firdaus, nous en annonçons la mort à Jibril. Et ici, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, debout, se mit à dire: certains des hypocrites prétendent que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est mort. Wallahi, le messager n'est pas mort. Il est allé auprès de son Seigneur, de la même manière que l'avait fait Moussa ibn Imran, qui pendant 40 nuits avait quitté son peuple pour ensuite rejoindre celui-ci, après qu'on eût dit qu'il était mort. Par Allah, dit Omar, le messager d'Allah reviendra à coup sûr et coupera les mains et les pieds de ceux qui prétendent qu'il est mort. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, il n'a pas